Chapitre 47, la vérité vous rendra libre. Lumière luciférienne ou pas? Alors, aujourd'hui, je suis avec ma fille qui va lire une question qu'on a reçue sur un des premiers chapitres de la vérité vous rendra libre. Question que j'ai trouvée intéressante, donc qui mérite directement une réponse complète sur un film, pour pouvoir aller un peu plus loin sur ces réponses qui sont subtiles. Alors, allons-y déjà. D'où vient? Vas-y, donne l'origine. C'est la question de Cyril Peltre sur La vérité vous rendra libre, chapitre 4. Voilà, donc c'était écrit au chapitre 4 et j'ai trouvé que au lieu d'écrire un petit texte comme ça, c'était plus intéressant qu'on lise la question et que je puisse y répondre directement. Donc, Cyril Peltre aura la réponse un peu plus tard, mais elle aura plus entière et plus complète. Allons-y sur sa question. Ne pensez-vous pas qu'en se focalisant finalement plus sur la lumière et une certaine pureté corporelle énergétique subtile et sur leur travail spécifique que sur l'amour et la véritable humilité pureté du cœur, tel que je perçois synthétiquement l'enseignement d'Omram, nous risquons de devenir les agents souvent involontaires d'une volonté lumière luciférienne, qui n'est pas celle du Christ? N'est-ce pas également une explication du pourquoi tant de ces frères et sœurs du bon fin paraissent si distants dans leur vécu intérieur de ce qu'on pourrait attendre comme fruit de ce maître? Pourquoi Omram a-t-il, selon vous, de son vivant, laissé dégénérer les choses, laissé toutes ces personnes se perdre dans un fanatisme et un culte de la personnalité du maître? N'aurait-il pas pu intervenir, les exhorter sévèrement à se corriger afin qu'ils ne se perdent pas? Pourquoi, selon vous, cette complaisance du maître avec cet état de fait? Ou alors ai-je mal compris? Alors, le waf-waf sur le côté, c'est un chien qui est avec nous et qui n'est pas content parce que quelqu'un passe dans l'escalier. Sur l'ensemble des choses, je pense que j'ai déjà pas mal répondu, par exemple dans le dernier chapitre. C'est-à-dire que, effectivement, d'être fanatique sur le salut fraternel, sur être habillé en blanc, sur ne pas dire ceci, ne pas dire tel mot, ne pas se comporter comme ça. On rentre dans un protocole qui est une règle du jeu dans lequel on aura toujours perdu, sauf si on n'est pas un fanatique du blanc, de la pureté, de la propreté, du salut, ainsi de suite. Si tu veux, tu peux partir. Ok, je parlais à ma fille, pas à vous. Vous restez. Donc, c'est un petit peu comme si je crée des règles dans une maison, des règles très particulières. Il faut poser ses chaussures comme ça, il faut poser son manteau comme ça, il faut dire bonjour de telle façon, il faut toujours toucher la fenêtre avec tel doigt et pas avec tel doigt, il faut ouvrir la porte toujours de la main gauche avec ceci. Il faut donc créer une montagne de protocoles sous prétexte de pureté. Et par toute cette montagne de protocoles qu'ils ont créés au bon fin, ben effectivement, on va être obsédé par la forme et en aucune façon par l'essence même, par ce que vous avez cité, c'est-à-dire travail d'humilité et de cœur. Moi, je me souviens qu'une fois, j'étais permanent au bon fin, comme j'ai souvent été. J'étais avec Alain Bourgeois, qui était responsable de l'agriculture à ce moment-là, et le pauvre travaillait 12 heures par jour. Il était débordé de travail. Et j'étais le seul lié à l'agriculture aussi. Donc, comme je suis fraternel, de cœur ouvert, j'allais pas faire mes 6 heures que je devais faire. Je faisais 12 heures avec Alain parce qu'il faisait 12 heures et qu'il était épuisé. Et c'était hors de question que je le laisse faire tout le travail et moi être seul. Et la plupart du temps, j'avais même pas le temps d'aller aux conférences parce que je travaillais trop. Et un jour, j'entends la sonnerie, j'ai un peu plus de temps. Très très rapidement, je prends une douche, je me rince, je me change et je rentre dans la grande salle pour me joindre au repas et écouter la conférence. Et là, il y a une chère sœur suisse, je me souviens, j'ai oublié son nom, sinon je l'aurais donné, qui s'est mise au travers de mon chemin et qui m'a dit: Frère, allez vous coiffer, vous êtes hirsute. Et donc, le temps que je reparte, c'était fini, quoi. Je veux dire, j'avais plus le temps d'arriver, on n'arrive pas en retard, enfin, à faire classer. Et pour dire à quelqu'un: Frère, allez vous recoiffer, vous êtes hirsute, alors que le mec travaille 12 heures par jour et qui vient pratiquement pas aux conférences parce qu'il travaille sans arrêt, qui donne tout au bon fin, il faut vraiment être dans une forme hystérique, dans une forme fanatique et ne plus avoir aucun rapport avec la réalité. C'est le maître Omram qui a créé beaucoup de règles impossibles, du genre ne vous passez pas un couteau, dites-vous toujours bonjour avec quelque chose dans une bassine ou dans un verre, ne vous promenez jamais avec un verre vide. Créant tellement de protocoles vide et symbolique, qu'au bout d'un moment, on finit par être obsédé par ces choses-là et on quitte la réalité. Moi, quand j'étais à Fréjus ou à Saint-Raph, donc les villes qui sont à côté du Bonfin, un Bonfinois, mais ça se voit à des kilomètres. Le mec qui marche, il est 20 cm au-dessus du sol, il est habillé tout en blanc, il a un nuage de pureté avec une aura de lumière. Et quand il bouge le bras, on voit déjà les ailes qui dépassent du t-shirt. Donc, c'est clair que tous les Fréjusiens et Saint-Raphaéliens, ils sont morts de rire quand ils voient un Bonfinois, mais ils sont morts de rire, ça se voit à des kilomètres. Et il y a toute cette frime qui va se développer. Oh oui, moi, cela fait 30 ans. Je raconte souvent cette histoire où je dis, j'avais rencontré un frère qui me dit: alors, oui, comme s'il était déjà asthmatique, il n'arrive pas à bien parler. Ah oui, alors, cela fait combien de temps que vous pratiquez avec le maître, hein, n'est-ce pas? Combien de temps, alors? Alors, je lui ai dit, ça doit faire à ce temps-là, je ne sais plus, 2 ans, 2 ans et demi, j'ai oublié, disons 2 ans ou 3 ans. Et il me dit: Ah oui, ah, 2 ans, 3 ans, ah oui, c'est formidable. Moi, ah oui, cela fait plus de 30 ans, plus de 30 ans que je suis avec le maître. Ah oui, plus de 30 ans, n'est-ce pas? Ah oui. Ah, déjà, on se demande si son cerveau fonctionne bien parce qu'il a besoin de dire ah oui, je ne sais pas combien de fois. Et je lui ai tapé sur l'épaule et puis je lui ai dit: Ben oui, il y a des gens qui apprennent beaucoup plus vite que d'autres, hein, c'est pas grave, je vous en veux pas. Et je suis reparti, il était outré, totalement outré. Parce que il y a ce cinéma de pureté qui peut, oui, absolument aller vers ce qu'on pourrait appeler la lumière luciférienne, c'est-à-dire on va créer des critères tellement hors de la réalité, dans un protocole tellement figé que ça devient obsédé. Moi, j'ai vu une fois des adolescents du Bonfin, et je vous jure, les adolescents du Bonfin, ils sont adorables. Parce qu'ils sont quand même dans une ambiance de propreté, il n'y a pas la drogue de partout, les gens fument pas, ils boivent pas de l'alcool, enfin bon, ils sont quand même dans une ambiance, ils sont avec des parents qui croient vraiment au truc, donc les ados en général du Bonfin, ils sont adorables, ils sont vraiment mignons, quoi. Et un jour, ils avaient passé une soirée à se raconter des histoires, à jouer, à chahuter dans une caravane. Donc, ils étaient une dizaine. Et le lendemain, il y avait un scandale comme quoi tous les adolescents du Bonfin avaient fait une partouze. C'est obsédé, c'est lamentable, c'est tellement dans l'étiquette, J'ai vu une femme, par exemple, bon, Bonfin, il fait très très chaud. Donc, elle était topless, je sais pas comment on dit, sans soutien-gorge. Avec un maillot de bain, et elle prenait un peu le soleil à l'intérieur de sa tente. C'est-à-dire, pas dans la tente, mais dans le paravent, vous savez, qui est devant la caravane. Et elle était là, à moitié cachée, elle se cachait au mieux qu'elle pouvait. Elle essayait d'avoir un tout petit peu de soleil, topless. C'est honteux, je veux dire, à ce point-là, c'est fanatique, c'est hystérique. En sachant que lorsque vous êtes au Bonfim, on vous conseille très sérieusement de ne pas sortir du Bonfim parce qu'il y a une vibration tellement élevée au Bonfim que vous ne pouvez pas sortir du Bonfim parce que vous allez faire chuter la vibration et donc faire chuter la vibration des gens que vous allez rencontrer. Donc même les gens qui vont au Bonfim et qui ont finalement envie de profiter un petit peu de la plage ou autre chose. Oh, ya, ya, ya, ya, ya, ya, quel malheur, quelle tristesse, quel péché, quelle horreur. Et toutes ces choses-là, ça amène à une telle frustration que ça amène aussi une espèce d'obsession. C'est tellement cher, c'est cher aussi financièrement, mais c'est cher, chèrement payé, que pour justifier le fait que l'on paye si cher, on ne peut se voir comme une pureté totale, une divinité absolue. Quant au maître Omram, c'est son intérêt de développer ça. Parce que si on est le disciple d'un maître qui remonte ses manches et qui fait des choses et qui travaille et qui joue et qui est simple et qui fait des actions sociales, qui ouvre une section du Resto du Cœur et qui a un coin du Bonfim pour les gens qui crèvent de faim et qui sont vraiment dans la pauvreté, alors c'est quand même moins glorieux que d'être avec le maître Omram Mikhaël Ivanov, qui avait été annoncé d'ailleurs par un truc hindou qui parlait dans le futur d'un être très important qui changera la destinée du monde et ses initiales seront OMA. Alors d'abord, il faut savoir que Omram, c'est le nom qu'il reçoit en Inde. Donc, par rapport à la prédiction, bah, c'est facile d'avoir le premier nom qui commence par O, parce qu'on n'est pas là hein, quand il y a des grands maîtres dans le secret de l'initiation qui lui donnent le nom Omram. Ensuite, Ivanov, c'est pas son nom. Son vrai nom, c'est Ivanov. Et suite à cette prédiction, il a fait changer son nom de Ivanov en Ivanov pour avoir un A au début. Donc, pour développer un cinéma comme celui-ci et avoir OMA qui annonce qu'il sera un être qui changera tout sur la planète Terre, ce qui, autant que je sache, n'est pas arrivé. C'est-à-dire qu'il a été un maître, il a enseigné des choses, il a fait des choses bien intellectuellement, des fois un peu bébête, mais souvent bien quand même, il faut être honnête. Mais c'est tout. Il n'a rien fait d'extraordinaire, il n'a pas changé le destin de l'humanité, il n'a pas. Bon, c'était un maître qui avait des disciples, qui se comportaient plus ou moins bien, qui étaient plus ou moins honnêtes, très fanatiques certes, mais donc sa fameuse prédiction il y aurait, il serait un être qui changerait tout. C'est du pipeau total, parce que c'est pas ce qui est arrivé. Il a aussi fait une prédiction quand, maintenant j'ai oublié l'année, 1989 ou 1992 ou 96, 97, j'ai oublié. Ce serait la fin du monde et il y aurait des raz-de-marée et la mer arriverait à la limite du Bonfim. Sachant que le Bonfim, c'est très haut dans Fréjus. J'ai souvent été travailler en vélo et croyez bien, pour remonter, je voulais jamais poser le pied par terre par sport, mais croyez bien que c'est une côte très très sévère. Donc pour que la mer arrive déjà au port du Bonfim, il fallait qu'il y ait une sacrée vague qui monte de Fréjus, vous voyez? Et évidemment, la prédiction, elle se fait à un âge où mathématiquement, fort probablement, Maître Omram est déjà mort. Hein, parce qu'il aurait eu 89 ans, ou 92 ans, ou 97 ans. Donc, il prend pas de gros, gros risques. Et moi, j'ai connu plein, plein de bons Finnois qui ont entendu ces dates-là. Et puis, ben voilà, il n'est rien arrivé. Hein. Donc, OMA, Omram Mikhaïl Ivanov, la prédiction, bon, toutes ces choses-là, c'est malgré qu'il n'y ait pas eu de vague, c'est quand même tombé à l'eau. Hein. Et il faut bien comprendre qu'il y a un certain chantage. C'est-à-dire que quand moi je connaissais Omram, il rigolait quand même de beaucoup de choses comme ça. Il rigolait. Mais en même temps, il n'agissait pas devant tout le monde en disant arrêtez votre cinéma. Il encourageait ce cinéma parce que ce cinéma faisait de lui un grand maître. Et un grand maître a de grands honneurs, a de grands cadeaux, une grande maison, des grands centres. Il y a quand même des centres dans les Pyrénées, à Fréjus, à Paris, en Suisse, en Italie, autant que je sache. Je ne les connais pas tous, mais il y a aussi un centre au Canada. Il y en a de partout. Il y en a de partout, et partout il avait une place de prince, de grand maître. Donc, casser le cinéma du maître et être dans la simplicité et l'humilité, eh ben, c'est vrai que quand on prend l'histoire de Jésus, Jésus ne vivait pas dans des grands châteaux, dans des grands centres. Hein. Il marchait avec ses disciples, il n'avait pas toujours à manger, et il était loin d'être adoré par tous. Donc, Omram, il avait bien compris le protocole d'encourager les disciples à être des disciples exceptionnels pour être les disciples d'un maître exceptionnel. Et étant un maître exceptionnel, ben il est surtout exceptionnel et il aura surtout un traitement exceptionnel. Donc ça, c'est clair. Hélène, Anaëlle, est-ce que tu peux relire la question pour voir si j'ai pas oublié? Je suis désolé, je me répète, mais juste... Ne pensez-vous pas qu'en se focalisant finalement plus sur la lumière et une certaine pureté corporelle, énergétique, subtile et sur leur travail spécifique, que sur l'amour et la véritable humilité et pureté du cœur, tel que je perçois synthétiquement l'enseignement d'Omram, nous risquons de devenir les agents souvent involontaires d'une volonté lumière luciférienne? Donc ça, je crois que j'ai largement répondu et que je suis obligé très souvent d'accréditer pour la plupart des choses. Qui n'est pas celle du Christ. N'est-ce pas également une explication du pourquoi tant de ces frères et sœurs du bon fin paraissent si distants dans leur vécu intérieur de ce qu'on pourrait attendre comme fruit de ce maître? Pourquoi Omram a-t-il, selon vous, de son vivant, laissé dégénérer les choses, laissant toutes ces personnes se perdre dans un fanatisme et un culte de la personnalité du maître? Ce qui est tout à fait vrai, parce que il est très très très très très rare de rencontrer quelqu'un de la fraternité qui a vécu quelque chose. Moi, j'ai connu des gens qui ont commencé à développer certaines choses, on les a foutus à la porte, purement et simplement, parce que la seule chose qui importait, c'était le maître a dit, le maître a dit, le maître a dit. Les gens étaient très rares, ceux qui disaient simplement, en travaillant ceci, j'ai vécu cela, qui accrédite ou discrédite le travail de Maître Omram. Jamais. C'était simplement le maître a dit, le maître a dit, le maître a dit, à tel point où, comme j'ai déjà raconté, j'ai vu une sœur un jour qui, dans un centre, regardait une grande photo de Maître Omram, et puis elle s'est tournée vers moi, éblouie, elle m'a dit, il m'a souri. Et moi, j'ai dit, ah non, non, je vous assure, il n'a pas bougé. Hein. Je veux dire, on n'était pas encore dans Harry Potter. Dans Harry Potter, les gens, ils bougent dans les photos. Mais là, non. Donc, je lui ai dit, non, non, je vous assure, il n'a pas bougé. Hein. Il n'a pas souri, rien du tout. Elle m'a regardé vraiment d'un air de dire, t'es vraiment un abruti, toi, t'es un nouveau, ça se voit tout de suite. Et donc, c'est l'adoration du maître a dit, le maître a fait, le maître ceci, le maître cela. Et même lorsque... Maître Omram n'était pas toujours à prendre avec des pincettes, hein. Il se mettait en colère pour pas grand-chose, et je l'ai vu dans des terribles colères, eh bien c'était toujours une colère initiatique. C'était toujours pour enseigner à quelqu'un. Il n'y a pas un moment où on se disait, bon bah aujourd'hui il a mal dormi quoi, il est mal vissé. Non, c'était toujours, il y a toujours un sens initiatique, donc un sens de perfection. Et encore une fois, être le disciple d'un maître parfait, ça fait de nous des disciples parfaits, et un maître parfait que l'on doit traiter parfaitement. Le pouvoir absolu corrompt absolument, c'est clair. N'aurait-il pas pu intervenir, les exhorter sévèrement à se corriger, afin qu'ils ne se perdent pas? Pourquoi, selon vous, cette complaisance du maître avec cet état de fait? Ou alors ai-je mal compris? Non, donc malheureusement, vous avez très bien compris. Je ne vais pas tout changer et dire que tout ce que faisait Omram, c'était noir, et ainsi de suite. Il ne faut pas non plus exagérer. Il y a beaucoup de règles qui donnent, et il y avait sincèrement une belle vibration au bon fin. Sincèrement, on ne peut pas nier ça. même s'il y avait aussi énormément de jalousie, énormément de frustration, énormément de qu'en dira-t-on, énormément de chantage, énormément de vols. Il y a beaucoup de gens qui volaient à un tel, de l'argent qui a été détourné, comme la pyramide du 24 vieillards qui devait être construite. L'argent a été cumulé par un mec, j'ai oublié son nom, et il s'est barré avec tout l'argent. Donc la pyramide des 24 vieillards, ben, c'est resté une théorie, quoi. Et c'est le danger de ne pas pousser les gens à agir, faire des choses, pratiquer, transpirer, se mouiller parce qu'on travaille, parce qu'on aide des gens. Parce que, d'ailleurs, ce n'est pas difficile, je le répète et je le répéterai toujours, les actions sociales du bon fin, c'est rien. Absolument rien. Et quand parfois j'ai demandé au bon fin, j'aurais dit, bon, alors, qu'est-ce que vous faites au niveau humanitaire? Alors, la seule chose qu'ils ont pu me répondre, c'est, ben, on envoie des livres de deuxième, troisième qualité, qui sont encore des livres de très bonne qualité, parce que l'édition Prosveta est de très haute qualité, donc les livres qui classent de deuxième qualité, ça reste une première qualité chez la plupart des autres éditeurs. Donc là-dessus, ils sont très stricts et très sévères. Et troisième qualité, bon, ça commence à être un peu plus abîmé, mais il y a des défauts. Et donc, on envoie les livres de troisième qualité en Afrique. Ça, ce n'est pas une action humanitaire, les petits cœurs, hein, c'est une action publicitaire. Hein, c'est-à-dire que, comme on a des livres qui sont invendables, bon, on va essayer de les placer. Et une action humanitaire, c'est envoyer de la nourriture aux Africains, c'est organiser, c'est aller une mission, aller 20, 30, 40, 50 frères et sœurs qui vont en Afrique et qui font ça et ça pour aider. Comment se fait-il que l'enseignement d'Omram s'est toujours basé sur l'amour et la lumière, mais il n'y a aucune action sociale? Moi, j'ai un groupe qui est avec moi d'une dizaine de personnes, 15 personnes en général. On a fait plein d'actions. Plein d'actions, on a sauvé plein de gens, plein d'animaux, on héberge des gens qui sont perdus, on leur demande pas d'argent, même les gens qui veulent rester chez nous, qui veulent rester régulièrement, on leur demande 300 euros par mois, nourris, logés, tout. Et je suis désolé, mais nous, on n'a pas un jardin, on n'a pas la nourriture, on l'achète dehors, et on achète de la nourriture bio, en plus. Et on arrive pourtant à se débrouiller avec 300 euros par mois, avec toutes les activités gratuites. Le bon fin, c'était infiniment plus cher. Infiniment plus cher. Et nous, on accueille n'importe qui. Et des fois, on a des problèmes, parce qu'on a des alcooliques, et au bout de 2 ou 3 jours, on leur dit, bon, tu te casses. Désolé, on a essayé de t'aider, tu veux pas faire d'effort, tu te barres. Donc, il y a aussi des gens qu'on met dehors. Ça veut dire qu'on prend les gens qui ont besoin, quel que soit leur niveau. Et c'est vrai qu'on va essayer de les éveiller à une certaine spiritualité, à une certaine générosité, à une certaine lumière. C'est vrai qu'on ne va pas les laisser se promener sales, puants, agressant les autres. Non, on a des règles. Dans la maison, on dit pas d'alcool, pas de cigarettes, pas de drogue, pas de viande, ce qui inclut aussi le poisson, n'en déplaise au bon fin, et pas de violence. Donc quand on commence à être violent, agressif et ainsi de suite, on essaye de calmer et on a un système avec des larmes. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un se comporte mal, on lui donne une larme. Voilà, il a une larme. Et puis, mais il n'a rien d'autre à payer, il a juste une larme. Puis ensuite, il a une deuxième larme. Donc il est prévenu, il a la troisième larme, il se barre. Voilà, donc on a quand même un protocole pour que les gens soient prévenus, on fait tout d'une façon humanitaire. Et toutes les actions qu'on fait à l'intérieur de la maison, toutes les actions qu'on fait à l'extérieur de la maison, on fait tout gratuitement. Tout gratuitement. Parce qu'il nous semble que 10 ou 15 personnes de bonne volonté, de bon cœur, sont déjà capables de produire plein de choses. Le bon fin, ça couvre 1000, 1500 personnes. Comme j'ai déjà dit, la FBUI, Fraternité Blanche Universelle Immobilière, c'est le groupe immobilier rattaché à une secte officiellement le plus puissant d'Europe, je crois, le plus riche d'Europe. Et en même temps, ben, le bon fin, par exemple, qui est entièrement vide pendant la plupart du temps, puisqu'il y a des périodes de juillet, août, Pâques, et quelques personnes, le reste du temps, c'est entièrement vide. Donc c'est un centre immense qui pourrait accueillir des gens qui ont faim par exemple en hiver, qui ont froid. Aller 50, 100 personnes par rapport à un centre comme ça, ce serait super. Un jour, Coluche, il a été voir Jacques Chirac et puis il a dit, il y a je ne sais pas combien de dizaines de milliers de personnes qui crèvent de faim à Paris, qu'est-ce que vous comptez faire? Alors Chirac, il a dit, ben, je ne sais pas. C'était le maire de Paris, il a dit, ben, je ne sais pas. Alors Coluche, il a dit, ben, moi je sais, alors je vais le faire. Et c'est comme ça qu'ont commencé les Restos du Cœur. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc au regard de ceci, ben oui, c'est clair que quand on se gargarise de lumière, de blancheur, de pureté, et le maître dit, le maître a fait, le maître ceci, le maître cela, eh ben oui, c'est vrai qu'on va vers des choses d'adoration, dont un bénéficie le plus, et c'est homme rame en personne. Et puis, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, le comité du bon fin garde un pouvoir total et absolu, total et absolu, et fait des menaces perpétuelles. Et moi, j'ai souvent parlé à des gens du bon fin, ils sont tous terrorisés. Des fois, je leur dis, mais si tu veux, je t'invite sur mon canal. Tu témoignes de ce que tu as vécu, de ce que tu as vu. Il n'y a pas une personne qui veuille dire une phrase. Ils sont tous tétanisés, terrorisés, terrorisés. Et tout cela, bah, ça respire pas la bonté et l'amour du Christ. C'est clair. C'était fini encore ta Oui, relecture? c'était fini, c'était tout. Voilà, donc on va pas le relire une troisième fois parce qu'on va avoir un déjà vu quand même. J'espère que j'ai répondu. Je sais que ça paraît pas très positif. L'enseignement de la fraternité, c'est positif. L'enseignement en Bulgarie, c'est positif. De surcroît, ce sont des gens qui offrent beaucoup, qui donnent beaucoup, qui sont généreux, qui se mouillent dans plein d'actions, qui vont aux Sept Lacs de Rila dans des conditions difficiles. Il faut grimper, il faut, même s'il y a un téléphérique aujourd'hui. Et c'est des gens qui font des choses. Les gens du bon fin sont des gens ultra bourgeois qui arrivent avec leur voiture. Ils ont des caravanes gigantesques, mais gigantesques. Moi, j'ai vu des sœurs du bon fin avec des bungalows gigantesques pour 7-8 personnes qui s'étaient fait construire un auvent en bois par devant qui doublait le volume. Et la sœur, elle était toute seule. Et nous, par exemple, quand on allait là-bas, j'étais avec mon fils, on avait une petite Canadienne, et comme mon fils prenait plein de place, on dormait, on avait, on va dire, largement toutes les jambes et à peu près la limite des fesses dehors, en dehors de la tente pour laisser la place à mon gamin. Il n'y a jamais quelqu'un du bon fin qui a dit « je vous invite dans une de mes chambres ». Nombreuses chambres vides. Et oui, et en cela, on peut vraiment parler de la lumière luciférienne, c'est clair, c'est une lumière qui est très belle en apparence, mais qui va dans un chemin sans réalité, sans action, sans pouvoir, sans amour et par-dessus tout, sans humilité. Ça, c'est clair. Merci pour cette question. Ciao.